C'est fou, hein? Ton salon! C'est fou 89.1, la scène émergente. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On parle politique avec François Landry. Les petites mythologies de Martin Bertrand. Et c'est une chronique de Régis Solry. Et dans CNX, il y a des robots. Et c'est tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées, il s'appelle Kiwan. Et lui c'est Mathieu Plante, salut Matt. Salut Ki. Ah bien. Ben oui, super, j'espère que t'as passé une belle fin de semaine mon Kiwan. Ben oui toi. Ben oui, super, tranquille. On a une grosse semaine devant nous. Super tranquille, t'as bien ajouté tranquille après super. C'est ouais ça? C'est ça, okay. Okay. Super tranquille. J'étais pas sûr, ok. Ouais c'est ça, bon, passons. Cette semaine, c'est la semaine de relâche, vous le savez tous, tu le sais, je le sais, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas une bonne émission et qu'on n'a pas des chroniqueurs qui vont se joindre à nous pour la plupart d'entre eux. Aujourd'hui, on va avoir François Landry pour parler de politique et je peux même vous dire, comme ça, tranquillement, pas vite, qu'il va nous parler d'exercice démocratique, le débat et le vote. C'est son sujet d'aujourd'hui. On va aussi avoir dans l'émission aujourd'hui la capsule mythologique de Martin Bertrand. Oui, tout à fait, et cette semaine, ça va être l'appareil photo jetable. Donc, il va décortiquer ce sujet de la culture populaire juste pour nous. On va aussi avoir une capsule dans notre série En route vers l'Halloween, si on peut l'appeler ainsi. On vous présente une chronique de Régis Solry. C'est la série Le diable dans tous ses états. On vous en présente une à tous les jours, y compris les vendredis dans les palmarès. Et puis, ça va nous mener jusqu'à l'Halloween vendredi cette semaine. Oui, c'est ça qu'on va terminer la série, c'est la Louise, pas vendredi. Aujourd'hui, c'est la sixième capsule qu'on pourrait faire. Ouais, en fait, à partir d'aujourd'hui, on en diffuse deux. Deux, hein, pour que deux. Ça fitte. Exactement. Pour finir vendredi, c'est ça. Donc, on va avoir le sabbat des sorcières et sortilèges en tout genre dans la série Le Diable dans tous ses états plus tard. Et puis, il va y avoir une chronique CNX aujourd'hui. C'est des nouvelles de robots. Donc, préparez-vous à vous faire assimiler. Donc, la CNX, ça, c'est dans une vingtaine de minutes environ, mais tout de suite, on commence en musique avec Vanessa Parietaire et la pièce Exil à Assemblage requis. Au 89, ouais. Yes. Je pense que la pièce Alive Again est morte. méchant concept. Pas pire, hein? Incroyable. Bien. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu. Et puis nous, on est ensemble jusqu'à 17h parce qu'on aime ça passer le retour ensemble. Tantôt, on va faire une petite chronique technologique CNX avec des robots dedans. Hein? Mais avant ça, on va l'entendre We Are Wolves. Oui, avec la pièce Paloma extrait. Paloma extrait. C'était vraiment full fluide, hein? Full fluide. Incroyable. sur les os, sur toutes les photos. Dis-moi que ça ne sera pas long, que tu tiendras ma main jusqu'à ce qu'à la fin je parte pour de bon. Fais-moi penser à rien. Si je ressors en pleurant du bureau du médecin. Les trois accords et le bureau du médecin sur le palmarès francophone de C'est fou cette semaine, ça. Oui, juste avant ça, on avait entendu We Are Wolves avec la pièce Paloma, We Are Wolves, qui vont être ici à Trois-Rivières le 5 novembre. C'est dans moins de deux semaines. Dans deux semaines à peu près. À peu près? Oui. Non, ouais, c'est dans une semaine et demie. Là, c'est la semaine prochaine. C'est bientôt? C'est jeudi prochain. C'est le 5 novembre. C'est le 5 novembre. On pourrait juste dire avec c'est le 5 novembre. Parler, ça va être super bon. Vous êtes toujours à l'assemblage requis jusqu'à 17h. Tout à l'heure, il va y avoir la chronique technologique CNX avec des robots. Mais avant. C'est dans environ 5 minutes. Mais juste avant ça, on va aller écouter une pièce de Bio Bazar, la pièce Flying Monkey. Bio Bazar qui va, Danny Janvier, en fait, alias Bio Bazar, qui est parti là, présentement pour aller à l'autre gala de la disque pour justement cet album-là, Festin Nu, qui est en nomination dans la catégorie album électro de l'année. Puis je regardais les prestations, les artistes qui vont performer ce soir à l'autre gala. Puis c'est drôle, hein, parce qu'il va y avoir Richard Desjardins, René Martel, Marat Tremblay, Malajube et la Patère Rose. Donc, tu vois qu'il y a une extrême à l'autre, hein, quand même. Ouais, quand même, Richard Desjardins et René Martel. Mais l'autre gars-là, c'est supposé récompenser les artistes un peu alternatifs et puis émergents. En tout cas, une autre catégorie que celle les plus populaires qui, eux, sont au gala de la disque. Et puis, quand on regarde les artistes qui vont être en performance au gala, là, on retrouve, entre autres, Cœur le Pirate, Beast, Yann Perrault, qui sont aussi des artistes qui auraient pu... qui viennent en tout cas de l'autre gala, ou tu sais, qui ont déjà été là, qui ont déjà été dans certaines catégories. Bref, les styles sont un peu confondus entre le gala et l'autre gala. On sait plus trop la ligne est où entre l'un et l'autre. Je sais pas si c'est voulu finalement de faire ça un peu flou puis de mélanger tout le monde ensemble. On dirait. Mais en tout cas. Il y a des nominés ou des nommés aussi, il me semble, dans des catégories de l'autre gala qui sont plutôt mainstream ou plutôt commerciales, si j'avais bien vu mes choses, mais en tout cas. Donc bref, c'est dur de voir vraiment qu'est-ce qui appartient à un et à l'autre, là. Mais en tout cas, j'imagine que le but, c'est de faire des galas qui sont plus écoutables, ouais. Parce que sinon, quand t'es rendu avec comme 50 catégories là, dans un gala, c'est un petit peu long, là, de rassembler tout ça ensemble. Donc j'imagine qu'en splittant ça même en deux, puis même en trois, parce qu'il y a un autre gala aussi, là, le gala de l'industrie, ouais. Là, pour les agents, puis les producteurs, puis tout ça, là. Bon, moi, c'est déjà bien que la plupart des prix soient montrés en quelque part et que ce soit pas juste. Oui. Bon, et en passant, il y a aussi tel gagnant, mais là, ils ne se lèvent pas et ils n'ont pas de chance de parler. On a tiré ça dans un chapeau après-midi. Là, non, c'est le fun qui est vraiment un endroit pour montrer tout ce monde-là. Ouais. Et puis même l'animateur est passé d'un gala à l'autre. Hein, c'est ça. Rémi-Pierre Paquin, l'animateur de l'autre gala, lui, était au GAMIC avant. Au GAMIC. Gala de l'alternative musicale indépendante. Bon, voilà. Donc bref, c'est ce soir l'autre gala, puis le vrai gala c'est dimanche prochain, mais l'autre gala c'est ce soir, c'est diffusé à Musique Plus et Musimax. Deux très bonnes chaînes. Et on va écouter tout de suite Bio Bazar qui est en nomination pour album électro de l'année avec la pièce Flying Monkey, en parenthèse, singe du ciel. Exactement. Singe. C'est le même que je l'appelle. Fusion des mots. Vous êtes à l'assemblage requis au 89.1 FM. Thank you. les airs, bien sûr. On y va par les airs, bien sûr. Il me transporte, il me déporte, il me... assez différente comme pièce de la Patère Rose. Hein? On vient d'entendre l'éponge à son âge requis. Ouais, ben c'est différent comparé aux pièces qu'on connaît le plus, là, mais quand même, je te dirais que sur l'album, là, il détonne pas tant que ça. La pièce détonne pas tant que ça sur l'album. C'est pas toujours Hop la vie. Non, c'est ça. Plus triste des fois. Mm-hmm. Bon. Et puis ils vont être, comme on le disait tantôt, en performance ce soir à l'autre gala sur les ondes de Musique Plus et Musimax. Et moi, je vais être en performance maintenant. Tout de suite. C'est la chronique CNX. Ma petite chronique solo, mais avec Kiwan en featuring. Hein? La chronique CNX, Kiwan fait toujours un featuring là-dedans. Quand toujours. Même. Fait son petit bout de rap, là, comme dans les pièces de pop américaines. Fait ton bout de rap. Là. Ça va aller, merci. D'accord. Donc aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, c'est l'heure de parler de robots. Les robots. Hein? On aime ça, nous, les robots? Il me semble que tu n'as pas parlé de robots beaucoup la semaine dernière. C'est donc, vrai. J'étais un petit peu inquiet, en fait. Je me demandais si tu allais bien. Mais bon, tu es de retour sur la bonne voie. Tu nous parles de robots. La vie manque de robots, des fois. Ben oui, toujours. Ouais. C'est pas négatif ce que je dis là. Je suis content que tu nous parles de robots. Bon, ben tant mieux, je vais te faire plaisir aujourd'hui. Oui. Bon. On a vu des robots de tous les genres depuis des années, parce que les robots, ça a toujours été futuriste. Mais maintenant, on en voit de plus en plus qui font des vraies choses concrètes. Ils peuvent vendre de la liqueur, ils peuvent se mettre en chaise pour qu'on s'assoie dessus, peuvent faire des mélanges de drinks, hein, n'importe quoi. Bref, celui-là, les visiteurs du PAC Expo 2009 à Las Vegas ont regardé un robot brasser des cartes, ou en tout cas distribuer des cartes de poker, de blackjack, n'importe quel style de jeu de cartes, et puis montrer après ça aux gens, tu es le perdant ou tu es le gagnant. Donc le robot analyse la partie. Allez voir la vidéo, c'est le Motoman SDA-10. En fait, c'était au Blackjack, c'était pas du poker. Blackjack, c'était au PAC Expo 2009. Je trouvais ça vraiment cool. Hussein Ibn Abdullah Ibn Hassan Ibn Ali Ibn Sina. Hein, on va l'appeler Ibn Sina, juste pour être plus court un peu. Hein, il a l'air de très bien aller, ce gars-là, hein, parce que c'est un robot qui parle arabe. Donc, c'est le premier robot humanoïde à parler arabe. Hein. Il est en développement à l'Interactive Robots and Media Lab, le IRML, des Émirats Arabes Unis. Hmm? Et à part parler arabe, il fait quoi? C'est ça, sa fonction principale, c'est de parler arabe? Absolument. OK. Il parle, c'est tout ce qu'il fait. Non seulement il parle arabe, mais il a été conçu par des Français. OK. Absolument bizarre. Donc, c'est des Français qui l'ont fabriqué. Hein? Son moteur vocal s'appelle Nizar. C'est la compagnie française Acapella qui développe des logiciels de langue naturelle. Donc, je ne sais pas si tu vas pouvoir interagir avec lui, mais il y a des sous-titres dans la vidéo. Il se fait demander des questions et puis il a l'air de réagir pas mal à la question. Donc, il a l'air un petit peu intelligent. Hein? Ibn Sina est nommé du même nom qu'un physicien perse. Est-ce qu'on dit perse? Persan? Perse? Perse. Perse. Perse. Voilà. Un philosophe qui vivait il y a quelques milliers d'années. Donc, allez regarder la vidéo sur assemblagerequis.com. Le Prosthetic Robot Arm, un bras robotisé, une prothèse de la compagnie Deka. On l'appelle le bras Luke. Hein? Cette nouvelle main robotisée porte bien son nom, parce que non seulement en fait, c'est la compagnie, c'est Deka, mais le produit s'appelle Smart Hand. Bon. Donc c'est une prothèse que tu te mets, OK? Quand il te manque un membre, évidemment. Ouais. Hein? Uh-huh. Et à la place de contrôler avec tes muscles, tu contrôles avec ton cerveau et lui te renvoie sur tes nerfs de ton membre un genre de feedback. Donc, tu peux comme savoir, sentir le mouvement comme avec un vrai bras. Donc, allez voir la vidéo, c'est vraiment cool, ça aussi. Est-ce que tu as déjà voulu avoir, et là, je vais dire le mot queue, une queue, mais en arrière, en arrière. Une couette. Appelons-la une couette d'animal. Okay. Donc, la plupart des animaux en ont une, mais pas les humains. Hein? C'est pas juste. Des fois, on a envie de se faire aller, là. La couette. Hein? Oui, Chi Tsang a construit une queue robotisée qui s'attache à la taille et qui a l'air d'une vraie queue d'animal. Hein? Ça a l'air cher, cette affaire-là. C'est construit avec quoi? Il y avait une planche Arduino? Une affaire de chip ou d'ordinateur, de technologie. Hein. La queue est compatible avec une Wiimote. Ça, c'est la télécommande de Nintendo Wii. Et on peut aussi utiliser des cartes avec des petits trucs dedans que tu passes devant la queue elle-même avec un petit symbole sur la carte. Tu le passes devant la queue et la queue va se mettre à agir pareil comme l'émotion qu'il y a sur la carte. Disons, heureux, bon, ben, tu sais, comme un chien, la queue se fait aller comme ça. Puis si t'es triste, bon, je sais pas. C'est... Donc, allez voir la vidéo de ça. Le gars peut contrôler aussi avec sa télécommande de Wiimote la queue. C'est quand même cool. Je trouve que ça fait un peu déviant sexuel, mais bon. Un peu. Ben oui, absolument. Hein. Est-ce que tu as vu les vidéos YouTube avec des gens qui se déguisent en mascotte, là? Non. Bref, c'est une grosse affaire. Non, mais pas vrai. Oh, ouais. C'est une grosse affaire sur Internet, ça. Ah, ah, ah. Ouais. Tiens, bonne nouvelle. hein, on va dire. Même les robots peuvent avoir la grippe porcine ou la grippe H1N1. Mm-hmm. Ce jeune homme très sexy a été fabriqué pour montrer tous les symptômes de l'épidémie préférée de tout le monde et de sa mère, dont se plaindre, suer, avoir des convulsions et pleurer. Et si on le traite pas, ben il arrête de respirer et meurt. Donc c'est pour montrer aux gens dans le domaine médical comment faire pour je sais pas sauver cette personne-là. T'appuies sur reset puis il revient à la vie. Donc c'est pas comme dans la vraie vie. Hein? C'est pas comme un jeu vidéo où tu peux juste resetter ta vie puis pas avoir la grippe porcine. J'ai posté sur assemblagerequis.com un article de Listicles qui nous montre les 10 plus belles citrouilles d'Halloween, mais robotisées. Mais pas robotisées, mais c'est qui ont l'air de robots. Donc, qui sont comme des robots découpés, avec des formes de robots dedans. Mais avec des vrais, à partir de vraies citrouilles, c'est ça? À partir de vraies citrouilles, okay. Exactement. Oui. Par exemple, il y en a une qui a du papier d'aluminium et des CD, puis des ampoules, je sais pas trop quoi, des fils d'ordinateur. Donc, c'est juste coupé dedans pour avoir des formes de robots. Bref, c'est tout mignon. 10 citrouilles que vous pouvez peut-être reproduire à la maison pour l'Halloween qui s'en vient. Tu vas faire ça. Donc, c'est ça. Ouais. Ça, c'est un petit peu moins robotisé. C'est un gadget, c'est le Splitterbot, qui est fait pour séparer vos écouteurs pour pouvoir écouter de la musique à deux sur votre lecteur MP3. Hein? Donc, aucune intelligence artificielle, aucune lumière, rien qui bouge. En fait, c'est juste un robot d'apparence. Tu lui enlèves la tête, tu branches la tête dans ton lecteur MP3, et là, ses deux yeux deviennent des prises à écouteurs, et puis deux personnes peuvent écouter la même musique sur iPod. Ça coûte $7.99 chez ThinkGeek. Donc, allez voir l'article pour l'acheter. Sur tokyomango.com, on montre des affiches de robots des années 50 au Japon. Tu sais que, bon, comme je disais, les robots ont toujours été assez futuristes, mais même dans les années 1950, c'était déjà commencé, ça, la mode de parler de robots. Hein? Donc, allez voir ça, c'est sur le site de Life Magazine, des robots plutôt mignons. Et puis, tiens, pourquoi pas, cette grosse larve blanche qu'il va falloir aller voir la photo pour comprendre, mais ça ressemble à un gros bout de pâte à modeler. Okay? C'est un robot. Okay. C'est un robot qui s'appelle Functionide, d'accord, que j'ai vu sur le site renardleveillé.wordpress.com, d'accord. Il devrait procurer un bien-être émotionnel. Il est encore au stade de projet, mais on peut voir ce blob dans une vidéo se déplacer lentement. Et quand il est collé sur la personne, il se contente d'imiter les mouvements de la respiration. C'est pour accompagner des gens qui se sentent seuls. Hein? Belle petite musique douce et triste. Allez voir ça. Mais il n'aurait pas pu faire de quoi de plus beau que quelque chose qui ressemble à une larve. Ouais. C'est vrai. Mais tu sais, il y a des gens qui ont des chats défigurés ou ils ont des chiens qui manquent des pattes. Des fois, il faut avoir de la compassion pour un blob blanc. C'est sûr, là. Mais tu sais, si t'as le choix, là. Mais déjà, un bonhomme sourire, ça fait ça. Si ton chat, il est laid, mais tu l'aimes pareil, mais c'est pas de sa faute. Mais là, si t'as le choix, là, de choisir quelque chose de beau ou une grosse larve, tu sais. Mm. Mais en tout cas. Ouais. Ça doit sûrement coûter très cher, en plus. Ah, ben oui, mais ça le dit pas, par exemple. Ah. Ouais. Et dans la mesure où notre planète devenue hostile nous contraindrait à rester enfermés, dit l'article, ce gros oreiller ondoyant deviendrait très attirant pour les gens seuls, en ouvrant les vannes de l'anticipation encore plus, et même dans le cas où la planète nous permettrait de humer l'air extérieur pour tout le monde, dans le fond, quand les robots seront totalement imbriqués dans notre culture, ce qui arrivera vraisemblablement. Voilà. Triste, nostalgique, je sais pas, mais si vous vous sentez seul, procurez-vous peut-être ce gros bout de pâte à modeler qui ressemble à un oreiller. Ouais, c'est une des nombreuses suggestions là, qu'on peut vous faire si vous vous sentez seul. Là, je dirais qu'il y en a beaucoup d'autres. Sur Internet particulièrement. Hein? voilà pour la section sur nos amis les robots dans la chronique CNX. Il y a une autre chronique demain vers les 15h20 et vous pouvez les entendre dans un seul et même paquet zippé. Comme un ziploc. Zippé. Comment on appelle ça déjà? Zip. Les lundis matin. On appelle ça les lundis matin. On appelle ça CNX.zip. Ah! Les lundis matin? Je devrais écouter ça. Je pourrais aimer ça. Ouais, ouais. Tu pourrais animer ça même. Peut-être que tu aimerais ça aussi. Peut-être, hein? Ouais, ouais. Je vais m'essayer. La semaine prochaine, OK? À 10h. Lundi matin, 10h. C'est un dû. Bon. Plus tard dans l'émission Assemblage Requis, on va parler de politique avec François Landry. On va aussi. On a plein de capsules à passer d'ici la fin de l'émission. Il va y avoir Régis Solery. Mm-hmm. Avec l'épisode de numéro 6 de la série Le diable dans tous ses états. Il va y avoir aussi Martin Bertrand. Avec ses petites mythologies, il nous parle de l'appareil photo jetable cette fois-ci. Mais tout de suite, on va retourner en musique avec la position numéro 1 du palmarès francophone, c'est Bernard Adamus. C'est la question à 100$. J'adore cette pièce-là. Oh, tu vas toujours l'aimer, hein? Toujours. Tu t'entendras jamais. Ah. En tout cas, je suis pas tanné encore. Bon. Écoute beaucoup. C'est Assemblage Requis. Au 89 ans.

Antoine et Mathieu. Assemblage requis. Ariel Faufilet. Toujours bon. Oui. C'est toujours bon. Hein? Bon. C'est un assemblage requis, ça aussi, c'est toujours. Ça existe. Bon, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu fais le pas aujourd'hui, ça là. Va. Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas qu'il y a pas tout en train de chialer. Non, ça va bien. Bon. On est ensemble jusqu'à 17h, Kiwan, toi puis moi, là. T'sais? Jusqu'à 17h, puis pas juste nous deux, là. Tous les auditeurs aussi sont là avec nous jusqu'à 17h. Et c'est une par la main, tu sais, comme... Fait arrête de faire la baboune, s'il te plaît. C'est pas serré, toi. Non, on est comme toute main dans la main, comme une citrouille. Comme une ribambelle. Il n'y a pas de main, mais ouais, c'est ça. Une ribambelle, le citrouille, c'est beau. Tu trouves pas? En du papier? Vraiment, oui, oui. Bon. Je pense qu'on va aller, à la place de faire du bricolage ou de parler d'idées de bricolage, on va aller se faufiler un peu de Hot Panda. Oui, on va écouter du Hot Panda avec la pièce Chapel Lips Cold Hand. Vous êtes ensemble à Jureki. Au 89 FM. Shaking hands, yeah, yeah, yeah, yeah. No, no, no, no. Yeah, yeah, yeah, yeah. No, no, no, no. Panda et Cold Hands, Chat Lips, Assemblage requis. Oui, c'est la fin de la première heure, mais restez là parce qu'au début de la deuxième, dans une dizaine de minutes, je dirais, on va recevoir François Landry pour parler de politique. Et en plus, on va avoir d'autres capsules de Régis Solerie sur le diable dans tous ses états et les petites mythologies de Martin Bertrand sur un sujet de la culture populaire. C'est dans la deuxième heure, restez là. Retour sur la deuxième heure d'Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Kiwan. Et dans quelques instants, on va recevoir François Landry. Mais tout de suite... Non, j'ai fermé son micro. Il m'a dit non, je ne veux pas parler. J'ai fermé son micro dans la face. Ouais. Non, ce ne sera pas tout de suite, là, mais c'est vraiment très bientôt qu'on reçoit François. Ouais, tout à fait. Hein, François? Oui, je suis là, là. Je dirai jamais quand je vais ouvrir son micro. Non, c'est ça. Il est là, il est prêt, mais juste avant de l'accueillir, on va aller écouter une pièce extraite du palmarès anglo. C'est le groupe Two Hours Traffic et la pièce Noisemaker. Toujours prêt. Comme un scoop. Comme un mouton. Une chèvre, c'est toujours prêt. T'inquiète, c'est toujours prêt. Ma main est toujours prête de moi. Traffic et Noisemaker, c'est une nouvelle entrée du palmarès anglophone cette semaine de leur album Territory. Là, juste avant d'envoyer cette pièce-là, mais tu as fait des jeux de mots louches et douteux à propos de chèvre et de François Landry. Je pense que ça mérite explication parce que là, la blonde de François a appelé pendant la pièce puis elle se demande pourquoi tu compares à une chèvre. Ouais, ben, c'est parce qu'on avait parlé d'être prêt, tu sais, puis nous sommes prêts, ben, Jean Charest, mouton. Après ça, j'ai parlé de chèvre. Tu vois, c'est comme un lien qui avait vraiment échappé à notre vigilance. Tu viens pareil de mouton, on faisait le lien, mouton frisé dans Google, si on tapait ça, ça arrivait directement sur la page de Jean Charest. C'est peut-être là ton lien subconscient. Ah, un lien sur Internet, voilà. Un lien, tu sais. Voilà. Full geek. Bon, bref, vous avez déjà entendu François Landry qui n'est pas supposé parler avant qu'on dise à tout le monde de se lever debout. C'est comme dans une église ou à la... je sais pas mais, quoi. Là. Mais étant donné que c'est toi qui as ouvert son micro... Mais... C'est ma faute, mais bref, avant levez-vous tout de suite. Bon. Le début est solennel, pompeux, royal. Bonjour, François Landry. Bonjour, bonjour. Ça va? Oui, très bien. Salut. Tu peux parler maintenant. Ah, je peux, j'ai le droit, là. Parle à ta chèvre. Parle à ma chèvre. Non, je recommencerai pas ça. Non, parfait, ça. C'est toujours des goûts douteux à la radio, parce qu'on voit pas derrière le micro qu'est-ce qui se passe. Là. Non, une chance que vous voyez pas derrière ce micro-là. Hein. Ah, bien, ce serait bien. Bon, par exemple, de mettre sur le site de C'est Fou une webcam, on voit live de quoi ça a l'air, deux lurons à la radio. Ça serait peut-être en maudit, je pense. Hein. Ça serait peut-être trop de transparence là, à ce niveau-là. Là. Ah, écoute, une nouvelle technologie. Un jour, il faudra vous y faire. Et voilà. Voilà. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, François Landry, en politique? De deux exercices démocratiques essentiels lors d'une campagne électorale. La première est obligatoire, la deuxième est fortement recommandée. Puis quand elle n'a pas lieu, c'est dommage pour la démocratie, pour l'exercice démocratique. Donc, le premier qui est obligatoire, le vote par anticipation, maintenant obligatoire. Et le deuxième étant le débat en tant que tel. Qu'est-ce qu'un débat? Pourquoi devrions-nous faire un débat et à quoi sert un débat? Donc, je vais commencer par le débat parce que c'est lui qui, à Trois-Rivières, a fait le plus jaser. Le maire Lévesque qui avait refusé de participer à tous les débats de la campagne électorale municipale pour la simple et bonne raison que ça y tente pas. Donc, celui à la chasse-galerie. Donc, celui à la chasse-galerie qui a eu lieu jeudi dernier, donc le 22 octobre, il ne s'est pas présenté. Nous l'avions invité. Roger Deslandry, qui est son organisateur en chef et l'ex-magnat de la presse, là, pour vous le situer, nous a téléphoné pour dire non, ça n'y intéresse pas. Pourquoi? Parce que... Juste comme ça, là. Parce que, tu sais, la conversation a duré 30 secondes, là, avec le bonjour, bonsoir, puis on a le même nom de famille, Donc, on a quand même invité André Carle, qui, lui, est venu faire un monologue sur place, et puis les étudiants l'ont chaleureusement accueilli, écouté, et là où... on en est très fiers. L'orgueil qui nous est ressorti, c'est le lendemain, lors du vrai débat à laquelle Yves Lévesque voulait participer devant la Jeune Chambre de commerce, la Chambre de commerce, et au coût faramineux de 45$ pour assister à cet exercice démocratique-là sur l'île Saint-Quentin, télévisé seulement sur Cogeco, donc les habitants de Trois-Rivières, on ne l'a pas vu. Seulement ceux du secteur Câble-Madeleine. Ouais. Donc, est-ce que c'est un électorat potentiel pour Yves Lévesque, alors qu'il est contesté dans son bastion trifluvien? Peut-être. C'est une paranoïa de politicien. Mm-hmm. Mais, à la période de questions, à la fin, quelqu'un lui a demandé l'importance des jeunes en politique. Donc, ça venait sûrement de la jeune chambre de commerce qui, elle, on sait, entre 18 et 35 ans. Donc, c'est les jeunes, la relève. Et puis, Yves Lévesque dit « Ah, c'est très important, les jeunes en politique. On en a des jeunes dans notre équipe, patati patata. » Puis là, André Carle lui dit « Me semble que ça vous intéresse, les jeunes. Pourquoi vous n'étiez pas au débat organisé par des jeunes à l'université? » Ah, c'est là, dans les dents, ça. Une salve d'applaudissements dans la salle. C'était jouissif comme un son d'ambiance. Donc, il s'est fait rabaisser le caquet, le maire Lévesque. Donc, l'importance d'un débat. Pourquoi participer à un débat? Si on va dans sa définition la plus pure, un débat, c'est une discussion sur un sujet précis, mettant en opposition deux protagonistes avec des opinions différentes, avec des idées différentes et surtout une stratégie différente. Donc, un débat, dans le fond, c'est juste pour parler, discuter d'un sujet X et connaître les options qui s'offrent à nous. Mm-hmm. Dans un débat démocratique, il y a le maire Lévesque, le candidat Carle. Pourquoi le candidat Carle se présente contre Lévesque? Ça doit être parce qu'il s'oppose à certaines politiques. Il dit que moi, je pourrais faire mieux que lui. Donc, c'est une opposition entre deux protagonistes. Comment, à Trois-Rivières, entre autres, et surtout dans les municipalités Outre-Montréal et Québec, c'est deux bastions complètement indépendants, comment publiciser une campagne électorale? Par la radio? De plus en plus, la radio est montréalaise. Par les journaux? À part le Nouvelle Est, il n'y a pas grand journaux indépendant à Trois-Rivières, outre les petits hebdos locaux. Par la télé, un spot publicitaire de 30 secondes par soir, c'est pas ça que j'appelle une campagne électorale. Il reste les poteaux de téléphone, les affiches, le oui-dire, l'impression ou l'amorphisme généralisé comme il se présente à Trois-Rivières. Donc, l'importance des débats. Au provincial, au fédéral, il y a des dizaines de débats à Trois-Rivières, juste dans la circonscription trifluvienne. Les candidats participent. Parfois, ils détestent ça. Pourquoi ils détestent? Parce qu'ils font face au public. Quand ils sont chefs, quand ils sont élus, ils sont redevables envers personne. Donc, on conteste, ils disent « c'est la politique, ça fonctionne de même ». Mais dans un débat, faire face à son électorat, c'est un stress énorme. C'est un orgueil qui prend le bord bien souvent pour une simple question, une mauvaise interprétation ou un mot de trop. Donc, on l'a vu quelquefois. Bernard Landry, je ne sais pas si tu t'en souviens, il y a quelques années, avait dit à Jean Charest « Je ne sais pas de quoi vous parlez ». Et puis là, il a été démoli, il a perdu ses élections. C'est en 2003. Mario Dumont qui avait brandi une feuille blanche dans un débat télévisé en disant « J'ai une preuve ici que le pont de la Concorde à Laval est tombé de par votre faute. » Sur la feuille, c'était vraiment une feuille blanche. Il n'y avait rien d'écrit dessus. Il n'a même pas essayé de mettre de quoi dessus. Exactement. C'était l'impact visuel de l'image. Dans un débat, André Carle aurait pu brandir un document et dire « J'ai une étude ici qui dit que vous avez floué X. » On s'en fout du document. Mm-hmm. Il l'a juste brandi devant un électorat potentiel. Donc, c'est ce que le maire Lévesque refuse de faire, de se présenter devant un électorat qui n'est pas acquis d'avance. Ouais. Donc, c'est une entorse à la démocratie, à mon humble avis. Shawinigan, on l'a vu, ça fait 3 à 4 débats qu'ils font. À quoi ça servit? De 1, à savoir que ça va être extrêmement serré, la lutte à Shawinigan, entre Duhem, Angers et puis Villemur. Ronald Saint-Onge-Lynch, qui, lui, dans les débats, c'est une bête, à sa manière, a vu que, par contre, ça marche pas, son intervention politique n'est pas assez fin politicien, qui s'est retiré lui-même de la course. Oui, il a abandonné, lui. Il a abandonné, tout simplement, alors que les nôtres étaient déjà inscrits c'est sur ça. Les bulletins de vote, donc il a fallu qu'on les raye à la main. Mais Ronald, grâce au débat, a vu qu'il n'y avait aucune chance de passer. Parce que Trois-Rivières, si ce n'est pas publicisé, Shawinigan, ça l'a encore moins dans les médias. Donc la population n'est pas au courant de ce qui se passe. Donc les débats ont servi à faire en sorte qu'il y ait une sélection naturelle de candidats. À Trois-Rivières, c'est pas le cas. À Montréal, on voit les débats, ce que ça donne. Des échauffourées entre la bonté, jadis la bonté, entre Harel, Tremblay et Bergeron. Et O'Sullivan pour un autre niveau. Mais c'est là qu'on voit toute la démocratie, tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. L'électorat qui fait face à son politicien et vice-versa. Donc, c'est un contact direct entre deux personnes qu'on peut pas passer outre. Donc, le débat essentiel, selon moi, dans la vie démocratique. L'autre exercice démocratique, c'est le vote par anticipation. C'était hier, partout au Québec, pour le 1er novembre prochain. Donc, dans une semaine, c'est les élections. Dans une semaine, on va avoir un nouveau maire à Trois-Rivières, à Québec, à Saguenay, partout. Le vote par anticipation. Avant, c'était seulement pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer la journée du vote. Donc, ceux qui étaient à l'extérieur, les personnes âgées, les personnes qui ont un handicap physique. Donc, ils le donnaient 2-3 jours pour se déplacer, pour aller voter. Il fallait prouver, je pense, hein, qu'on ne pouvait pas être présent. Exactement. Au biais des parents. C'était quasiment ça. Il fallait avoir une ordonnance, pas de la cour, mais du DGE pour dire « Moi, je peux pas voter parce que j'ai des billets d'avion pour Wildwood le 1er novembre. » Dollywood. Ouais, ou Hollywood ou Bollywood, peu importe. Ouais, les quatre. Voilà. Donc, il fallait prouver, exactement comme tu disais, Guy-Wan. Maintenant, c'est rendu un exercice tellement populaire que le DGE fait maintenant une élection anticipée une semaine avant les élections. Et ça, c'est très agréable à suivre pour deux raisons. Premièrement, ça donne un avant-goût de l'indice de popularité des élections. Mm-hmm. Partout au Québec, hier, on a battu des records. 5% de participation pour des élections municipales. C'est le double de 2005. Donc, 5% de la population s'est déplacée à aller voter, ce qui est bien. Par contre, l'envers de la médaille de ça, c'est ça veut dire qu'il y a 5% de la population qui sait déjà pour qui voter. Donc, la prochaine semaine ne servira à rien pour les candidats. Il n'y a plus. Oui, il peut se passer bien des affaires d'ici bien au premier. Exactement. Donc, un autre scandale peut éclater à Montréal, pour ne pas le nommer, ou même ici à Trois-Rivières, quelque chose qui peut popper, effectivement. Donc, c'est une opinion déjà fixée. Dans la région, juste pour revenir ici, ça s'est déroulé hier à la bâtisse industrielle à Trois-Rivières, à Latuc et à Shawinigan aussi. Ça a été les trois grandes villes où le vote a été le plus significatif. À Latuc, un taux de participation de 15%. C'est énorme. C'est énorme. Après moi, c'est parce que la chasse, ça rouvre la semaine prochaine. Là, c'est ça. Ça se peut. La Shawinigan, 12%. Donc, ça veut dire que 12%, un Shawinganais sur 10, c'est déjà pour qui il va voter. Puis c'est une élection tellement serrée. Il y a quoi? 3% qui sépare le meilleur du pire candidat à Shawinigan. C'est tout peut changer. Et surtout que Saint-Onge s'est retiré. Son 8% peut aller n'importe où. Mm-hmm. À part ses mononcles, ma tante, cousins, cousines qui vont voter, qui iront pas voter. Les autres, là, les autres 6% qui restent, pour qui ils vont aller voter, ça peut se répartir. Ça peut être la surprise générale à Shawinigan. À Trois-Rivières, ça a varié entre 5 et 7%. On est au-dessus de la moyenne nationale. Mais à Trois-Rivières, 5%, c'est très décevant pour plusieurs raisons. À Trois-Rivières, en 2005, moins de 50% de la population avait été votée. Donc 49,6 et des poussières. Donc déjà, c'était la moitié de la population qui allait voter. Et aussi, ce qui a découragé les gens hier d'aller voter, c'est les 6 districts qui ont été déjà élus par acclamation. 6 sur 16 districts. C'est-à-dire que personne ne se présentait contre. Donc voilà, donc ils sont déjà élus. Par défaut. En 2005, lors du vote électronique, on pouvait quand même voter pour la chaise. Donc, ce qui était bien, le monde se déplaçait pour voter. « Ah, oh, j'aime pas le représentant de mon district, mais il est seul. Il y a une chaise pareille, je vote pour la chaise. » C'était le vote électronique aussi, en 2005. Mais il y a eu des cafouillages tellement énormes, surtout à Trois-Rivières. Ça avait fait la une de tous les journaux au Québec à cette époque-là que le DGA a dit « Non, non, on revient au vieux format papier. » Et puis, ceux qui n'ont aucun concurrent, c'est « Acclamation, tout de suite. » Donc, ça sera à surveiller, c'est dimanche prochain, les élections générales à Trois-Rivières, Shawinigan, partout en Mauricie, partout au Québec, 1100 communautés qui élisent leur maire, leur candidat, leur maire. Ouais, c'est un gros buffet de candidats. Oui, voilà. Pas de croûte. Pas de croûte, voilà. Et puis donc, on verra ce que ça va donner. Je vous invite à aller voter. Il vous reste une semaine pour vous faire une idée de ce qui se passe sur la scène municipale. C'est très important. C'est le premier palier décisionnel avant le provincial, avant le fédéral. Donc, si vous voulez que vos idées avancent, allez voir vos échevins, vos officiers élus de Trois-Rivières, Shawinigan, Latuc, Masquinongé, Bécancour, Nicolette, peu importe ce que vous nous écoutez. Coudjouac, hein? Il y a sûrement des auditeurs à Coudjouac. C'est sûr. Donc, allez voter. Allez sur le site de v3r.net. Petite case élection municipale pour savoir qui se présente, comment se présenter, si vous avez reçu votre carte d'électeur. C'est très important, c'est cette semaine que ça se fait. Donc, c'est fou, vous invite. Parfait. Merci beaucoup, François Landry. Ça fait plaisir. On s'en reparle du résultat lundi prochain. Ah, ça, c'est clair. C'est ouais. Une capsule juste sur ça. Parfait. Soyez à l'écroute. J'attendais. Sinon, on retrouve aussi François mercredi pour une autre chronique. Ouais. Toujours vers les 16h quelques. Merci encore une fois, François Landry. Bon plaisir. Bye. Vous êtes toujours à Assemblage Requis jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu. Oui, on retourne en musique avec le groupe Flat et la pièce Technicolor.

Just getting older, he's washing his clothes in a sink of self-pity. basketball player, guest hosting a talk show, and a trophy and a wife, and twice he's won the lotto. I'm riding away, but to know who from. Hot, hot heat! Chaud, chaud, chaleur, comme je les appelle affectueusement. Avec Running Out of Time de leur album Elevator. L'album s'appelle Elevator, c'est ça, ouais? Elevator, ouais. Ok, ouais. Ouais, c'est Elevator. Très beau nom, l'album. C'est un bon ascenseur. On va continuer en musique, je pense. Ok. Avec The Dragonettes, c'est extrait de leur dernier album qui est sorti il y a quelques semaines. Hein, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps dans la chronique Nouveauté CD. À ne pas manquer demain, d'ailleurs. Mais on va l'écouter tout de suite, The Dragonettes avec Fixin' the Thrill. Tu t'arranges pour m'y moustiller. Ah ah. T'es moustillé. Fixin' the Thrill. J'essaie de traduire Fixin' the Thrill, mais okay. C'était moyen, mettons. Ouais. Hey, tantôt, on va entendre Scott Johansson et Pete Yorn. Fixin' to Thrill de la formation Dragonette à Assemblage Requis jusqu'à 17h avec Kiwon et puis Mathieu Plante. Hein? En deuxième position. Oui, et puis d'ici la fin de l'émission, il reste encore une chronique de Régis Solery. Écoutez, une capsule, en fait, de la série Le Diable dans tous ses états, parce qu'on en passe deux par jour jusqu'à vendredi. Oui. Donc, il en reste encore une à passer. Aussi, une petite découverte musicale peut-être à faire d'ici la fin. Peut-être bien. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait, Mathieu? Bonne question, Kiwon. Je te dis que ça me tente d'écouter de la bonne musique encore un peu, parce qu'on est de même, nous autres, on passe de la bonne musique par-dessus de la bonne musique, avec d'autres bonnes musiques après. Puis après ça, mettons, genre, du navet confit, tu sais, ça aussi, c'est bon, ça, qu'est-ce que t'en penses? Navet confit tout de suite? Ben oui, système d'alarme. Vas-y donc. De même. Hey, wow! On s'entend. You don't relate. Il y aura au moins des applaudissements. Version live de Pete Yorn et Scott Johansson avec la pièce, très excellente pièce d'ailleurs, Relator. Pas une si grosse différence entre la version live et la version album quand même. Hein? Non, sûrement que l'album a dû être enregistré façon live. Je veux dire, à un moment donné, ça sonne exactement pareil, je trouve. Très, très bon. Soit ça ou c'était l'album qui jouait pendant leur prestation. Ah, Britney Spears. Non, je penserais pas, là, mais quand même très, très fidèle au son de son studio de l'album. Oui, pardon. Allez voir spinner.com/interface. C'est de là que ça vient vidéo. Il y a des podcasts à télécharger sur ce site-là. C'est vraiment cool comme ça. Spinner.com. Hey, il reste pas beaucoup de temps à l'émission. Il nous reste aussi une capsule de Régis Solerie à écouter. Donc, est-ce qu'on fait ça tout de suite? Oui, à l'instant même. C'est la 7e partie. Et voici maintenant la série Le Diable dans tous ses états, présentée par M. Régis Solerie. Sortilèges en tout genre. La magie peut être blanche. Elle se préoccupe de faire intervenir les bons esprits dans l'intérêt des humains. Rose, elle se focalise sur les questions amoureuses en facilitant avec de louables intentions les relations qui paraissent inaccessibles. Ou noire, elle fait alors appel aux puissances des ténèbres pour nuire à autrui à l'aide de sortilèges ou maléfices. C'est bien entendu la seule magie noire qui nous concerne ici. En 1475, le dominicain Jean Nieder reconnaît dans ses Formicarius 7 types de maléfices. Créer des sentiments d'adultère chez l'homme ou la femme, inspirer des sentiments de haine envers autrui, empêcher la procréation de la personne visée, provoquer des maladies, causer la mort, retirer l'usage de la raison, et enfin, d'une manière plus générale, chercher toutes les occasions de nuire, d'une façon ou d'une autre, à un individu ou à ses biens. Mais ne jette pas un sortilège qui veut. Il faut pour ce faire s'adresser à un sorcier ou plus souvent une sorcière qui dispose de toute une bibliothèque spécialisée pour la guider dans sa démarche. Le Grand Albert, rédigé dès le XIIIe siècle, le Dragon Rouge, publié en 1521, le Grimoire du pape Honorius en 1670, la Clavicule de Salomon vers 1780, la Véritable Magie Noire ou le Secret des Secrets vers 1840 et bien d'autres encore. Les informations étant prises quant à la procédure à suivre, la sorcière doit alors se procurer le matériel nécessaire qui consiste idéalement en une figurine de cire, renfermant si possible quelques poils, cheveux ou gouttes de sang de la personne visée par le sortilège. Cette figurine, nommée Dagide, Mani, Volte ou Marmouset selon les régions, va être piquée avec des aiguilles ou fondue à proximité d'une flamme pendant que quelques incantations savamment choisies accompagnent le rituel. L'enclouage, une variante à l'implantation d'aiguilles directement dans la figurine, consiste à planter des clous consacrés dans les traces de pas ou même dans l'ombre de celui ou celle que l'on veut atteindre d'un maléfice. À défaut de dagide ou de clous, la sorcière peut remplacer la figurine de cire par quelques manipulations dont malheureusement les ingrédients de base ne sont pas des plus faciles à trouver. Le Grand Albert nous livre en ces termes le moyen de rendre à un homme impuissant ce que l'on appelle nouer l'aiguillette. « Ayez la verge d'un loup nouvellement tué, et, étant proche de la porte de celui que vous voudrez lier, vous l'appellerez par son propre nom. Et aussitôt qu'il aura répondu, vous lirez la dite verge de loup avec un lacet de fil blanc, et il sera rendu si impuissant à l'acte de Vénus qu'il ne le serait pas davantage s'il était châtré. Encore faut-il disposer d'une verge de loup nouvellement tuée. Et le contresort n'est guère plus simple à réaliser quand on sait que, et c'est encore le grand Albert qui nous l'apprend, il faut ingurgiter un pivert rôti à jeun avec du sel béni ou respirer la fumée d'une dent calcinée d'un homme mort depuis peu. Qu'il relève du mythe ou de la réalité, les sortilèges, aujourd'hui encore, continuent de faire recette. Tant que l'humain restera parfois tenté de nuire à son semblable, il y aura autant de mauvais esprits pour proposer toutes sortes de prétendus maléfices que de profiteurs pour monnayer leur soi-disant protection. Venez d'entendre une capsule de la série « Le diable dans tous ses états » présentée par M. Régis Ollery. Il y aura deux autres chroniques sur le diable dans tous ses états demain dans Assemblage requis. Il y aura Origine de la très sainte Inquisition et la bulle sumis desiderantes affectibus du pape Innocent VIII. Ce seront les deux capsules de demain. Mais en attendant, ben en fait, tout de suite, pour aller un peu avec la chronique, avec le côté diabolique de la chronique de Régis Ollery, on va écouter un nouveau groupe qu'on connaît pas vraiment. C'est un peu une découverte qu'on fait. Ça s'appelle Dead Man's Bones et la pièce s'appelle My Body's Zombie for You. Tu vas sembler choqué. We'll be right back. vous devriez nous voir en studio en train de se taper les mains, toi, puis jouer en arrêt, tout ça. C'était Dead Man's Bones avec My Body's a Zombie for You, l'album de Dead Man's Bones, avec la chorale des enfants du conservatoire de musique de Silver Lake. Oh. Voilà. C'était cute. Oui, c'est ce qui termine l'émission pour aujourd'hui, Mathieu. Oui, c'est la fin. Demain, on va être de retour à 15h avec la chronique sur les mythes du rock'n'roll de Simon Fitzbé. Oui, il va aussi avoir une chronique CNX et capsule de Régis Solerie. Deux fois plutôt qu'une. Deux fois plutôt qu'une. Jusqu'à l'Halloween, jusqu'à vendredi. Nous, on va continuer à en diffuser deux par jour comme ça. Il va y avoir donc plein de bonne musique et vous, sûrement, et nous, probablement aussi. Donc, à demain, Mathieu, on se laisse avec une pièce de Paul Carneiro qui va être en spectacle, lui, demain, justement, au Gambrinus, ici à Trois-Rivières. On va écouter la pièce T'en as pas. Bonne soirée. Bye. Bye. Ah. Oh, non, on annule tout. Stop. pas si brusquement que ça. Juste, Sophie Lafarin va être là à 18 ans. Oui. C'est tout. Bye. As-tu marché? Qui est cet inconnu, pauvre et parvenu?